There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you were. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Just like you burn, I'm just like you. Contact. Qui a dit qu'il faisait froid en Suède? Elles ont le sang chaud. Les deux productrices Icona Pop, à l'instant, exclu Contact. C'est le tout nouveau Icona Pop avec Girlfriend. Contact. Alerte radar. Petite boîte à images pour vous, là, sur l'autoroute 1, direction Lille, point kilométrique 158. C'est juste avant le péage de Fresnes-les-Montauban. Respectez bien les limitations de vitesse. 0320 26 000 quand vous voyez un truc. Et puis montez le son également. Ça aussi, ça devrait être indiqué dans le code de la route. Lorsque vous écoutez Contact, montez le son, c'est impératif. Avec Calvin Harris, ça arrive dans un instant avant le retour de Mika. Thinking About You. Samedi 31 août, Contact, l'électron libre, sera en direct de la braderie de Lille. Contact. Dès 14h, retrouve Happy FX sur la scène du boulevard Victor Hugo en mode braderie express. À 18h, Clément et Jeff du Morning de Contact squattent le vieux. Enfin, à 22h, retrouve la team Contact au Network pour une soirée qui va déchirer. Cette année, Contact libère la braderie en partenariat avec webdealauto.com. Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher. Juliette, c'est ton père qui a fait toutes ces courses là? Ouais, chez Leclerc, les traditionnelles courses de rentrée comme il dit. Eh ben dis donc. Bah ouais, mais d'après papa, en ce moment chez Leclerc, plus t'achètes, moins tu payes. Ah. C'est parce que la rentrée approche que chez Leclerc, du 21 au 31 août, sur de nombreux produits, vous bénéficiez de 30% de réduction immédiate, de 40% pour deux produits identiques achetés et 50% à partir de 3, voire modalité dans les magasins participants. Je me demande comment c'est possible d'aimer la rentrée à ce point-là. Il n'y a que ton père, je te rassure. Téléphone Store. Laurence, bonjour, vous avez 42 ans et habitez Saint-Lys. Parlez-nous de Téléphone Store. J'ai souscrit un abonnement chez Téléphone Store parce que je leur fais vraiment confiance. Et en plus, c'est franchement bien plus pratique chez eux. Sandrine Soupio, vous êtes gérante du magasin Téléphone Store de Saint-Lys. Quand cette cliente est arrivée dans ma boutique, elle était perdue. Elle est allée sur Internet voir les mobiles et elle n'a rien compris. Dans mon magasin, elle a pu les toucher, les comparer. Et j'ai surtout pu lui expliquer toutes les différences. Sincèrement, on peut dire ce qu'on veut, mais aller dans un magasin Téléphone Store, c'est beaucoup mieux qu'Internet. Et oui, on est comme ça chez Téléphone Store, plus proche de vous encore. Téléphone Store. Liste des magasins sur téléphonestore.com. La foire au vin. C'est à partir du 11 septembre, mais profitez-en dès maintenant, en avant-première, grâce à un service de réservation exceptionnel. Commandez vos vins sur carrefour.fr parmi une sélection issue de notre foire au vin et récupérez-les au drive de votre hypermarché. Ah, cette foire au vin 50 ans Carrefour, c'est vraiment... un millésime exceptionnel. Carrefour, 50 ans de prix. Hypermarché participant sur carrefour.fr. Offre valable jusqu'au 10 septembre. Retrait des commandes entre le 11 et le 14 septembre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Harris, Thinking About You à l'instant. Contact l'électro libre. Libre avec Mika. Et c'est reparti pour une nouvelle saison de Teddy Live. Exactement. Ça va Mika? Mais ça va très très bien. Bon, et toi Steph? Bon écoute, nickel, on a passé une belle émission après la première du Morning Land ce matin. Hein, les copains qui vont revenir demain entre 6h à 9h et désormais toute la semaine. Et donc les Teddy Live, c'est reparti aussi. Alors. C'est reparti, vous pouvez balancer tous vos messages, n'hésitez surtout pas à vous nous appeler au 03 20 26 8000, on fait de la radio ensemble, passez votre message pour votre famille, vos collègues de boulot, même vos potes, tout ça, avec qui vous avez fait la teuf ce week-end. Par texto, c'est au 7-11-12 avec le code direct. Et il y a aussi la page Facebook de contact. Oh, mais qu'est-ce qu'il explique bien. Ça marche également pour les séparations. Hein. Ça, on peut se séparer. Et on peut larguer son mec et tout, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas, 7-11-12, moi je te dirais. Il y aura une autre émission aussi à découvrir ce soir. C'est pas les Daddy Live, c'est les Daddy Like. 20h minuit avec Marie Boudjola Marie. Oui, Boudjola Marie. Tu vas pouvoir choisir la musique Boudjola Marie sur le Facebook de contact. Non mais on rigole, mais c'est ce soir. 20h minuit avec Marie. On se quitte avec les Daft Punk, bisous. Bisous. The legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. To the sun, we're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night again. Sur Contact. Calvin Harris featuring Ellie Goulding. Empire of the Sun. Remixé par David Guetta. Contact. L'électro libre. L'électro libre. Contact. Typical, I'm up swag. Typical, I'm a vibe. Hey, sexy ladies, how you ready for the night? Hey, swag. Mr. Rude Boy, do you feel bam, bam, bam, bam, all right? Bam, bam, bam. Swag. Typical, I'm up swag. Pour faire les coups de mag. Jusqu'au dernier détail, faut assumer ton style. Typical, I'm up swag. T'as la technique de drague. Pour rester sur les rails, t'as 30 vies fond de la maille. Star, coupe afro, boule à zéro. Sors tes accessoires, mini short et talons hauts. Quels que soient les codes, c'est toi qui fais la mode. Streetwear, hip hop, classe, t'as le swag, t'es en place. Casquette pour les chapeaux, chacun son style, tu rigoles à la fond. Le bout vidon selon l'occasion, pas d'imitation, les contrefaçons. Tu le trouves ton soir, t'es dans la direction. Si t'as le iceman, fais mettre le bouchon. Fais un tour en jeu, c'est pas la location. Tu peux ranger ton hit-van. Il est 13h, c'est le début des Daily Live, hein, comme tous les jours, du lundi au vendredi, 03 20 26 8000 pour nous appeler. Il y a Avicii qui arrive dans un instant avec Wake Me Up, juste après les infos. Contact. L'actu. Marc-Antoine Affringue. Et on démarre avec la météo. Salut Marco. Salut Mika, salut à tous. Avec un ciel ensoleillé en général, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Quelques nuages cependant pour les Picards et puis même des averses. Impossible pour les Ardennais. Les températures, les maxis cet après-midi, 21 à Charleville, 22 à Calais et Boulogne, 23 à Compiègne, Laon et Saint-Quentin et 24 pour le maxi à Lille, Valenciennes, Lens, Amiens et Beauvais. Sur la route, pour le moment, c'est très calme sur l'ensemble du réseau Nord-Pas-de-Calais, Picardie-Ardennes, tant mieux. Pourvu que ça dure, vous voyez quoi que ce soit d'ailleurs, radar, ralentissement, même accident, appelez-nous 03 20 26 8000. 4 mois de prison ferme pour avoir foncé en Porsche sur des policiers lillois, c'est la peine écopée par un jeune homme de 21 ans. Début juillet, il avait pris la fuite après un contrôle de police. Résultat, une course-poursuite à travers la Madeleine et la 25. La Porsche Cayenne, elle, était en fait volée. Le jeune homme l'avait acheté une bouchée de pain, 1000 euros. Peut-être ne connaissait-il pas la vraie valeur du bolide, on dira ça. Un axonné débouté par la Française des Jeux et débouté surtout par la justice. Cet ingénieur retraité a réclamé 1 million d'euros. Il accusait la Française des Jeux de manipuler le hasard à des jeux à gratter. Le Picard avait acheté pour 33 000 euros de tickets en 3 ans. Il avait conclu que la répartition des gains n'était pas aléatoire mais répartie tous les 50 carnets. Il a été condamné finalement à verser. Nouveau parler d'elle. Alors si vous pensiez arrêter de fumer pour vous consacrer à cette nouvelle substitution, écoutez bien. Le magazine 60 millions de consommateurs affirme désormais qu'elle ne serait pas si inoffensive que cela. Et ce, contrairement à ce qu'avancent les fabricants. La revue affirme avoir retrouvé des molécules cancérogènes en quantité significative. Dans 3 cas sur 10, les teneurs en formol flirtent avec celles observées dans des cigarettes traditionnelles. Une nouveauté qui risque surtout de vous faire sourire. Après le fast-food drive, les pharma drive, dont on a parlé tout à l'heure, s'ouvre aujourd'hui le drive-in du sexe. Ah. Oui, c'est pas une blague, Mika. Le sexe au volant. Ouais, ça fait longtemps qu'on le pratique, nous. Enfin, toi, peut-être. C'est un établissement, en tout cas, qui ouvre ses portes à Zurich, en Suisse. Ça s'appelle les Sexbox. C'est une première avec pour objectif de mieux contrôler, en fait, la prostitution. Le principe, une prostituée se trouve dans chacune des 9 box. Un bouton d'alarme reste cependant à la disposition des filles en cas de problème. Décidément, on aura tout vu en termes de drive. Le sport, le foot. Florian Thauvin en clash avec le LOSC. L'attaquant lillois est furieux contre son club pour avoir repousser une nouvelle offre ce week-end de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen avait proposé samedi 8 millions d'euros plus 2 millions de bonus pour se séparer de son joueur. Lille finalement souhaiterait 15 millions d'euros. Florian Thauvin a quitté le Nord ce week-end. Il n'a pas assisté à la victoire lilloise contre Saint-Etienne 1-0. On saura demain s'il participera à l'entraînement. Il a menacé de ne pas y aller. Et puis on termine avec le tennis et le début de l'US Open en fin d'après-midi sur les courts new-yorkais. Nadal, Federer ou encore les Serena Williams. Également 10 Français en lice. En revanche, les grands absents tricolores, ce sont Joe Wilfried Tsonga, toujours blessé, et puis surtout Marion Bartoli qui, elle, a mis fin à sa carrière. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, c'est mon cher Mika qui va vous conduire toute l'après-midi avec le meilleur du son, et notamment dans quelques instants, Avicii, Wake Me Up. Ah, c'est mignon ça, merci beaucoup Marco. T'en prie. Allez. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know. chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know. Chaîne carrément YouTube, Avicii à l'instant, Wake Me Up sur Contact. Contact, le Dédi Live avec Mika. Et on est parti, nouvelle session de Dédi Live, hein, 13h, 16h, comme tous les après-midi de la semaine. Et ouais, vous balancez votre message, hein. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant, ça se passe au 03 20 26 8000, vous faites de la radio avec nous, il y a aussi le texto, hein. Vous envoyez votre message au 7 11 12, vous écrivez bien direct en début de message, et puis vous balancez tout ce que vous voulez, un petit coucou pour vos potes, vos collègues de boulot et tout ça, n'hésitez pas. Et puis le Facebook officiel de Contact, on vous a mis un petit statut, il vous suffit de le commenter, comme Dimitri qui fait un gros béco à Marc, Jenny et tous ses potes, à Nico aussi qui fait une petite dédie à sa chérie Brittany, bientôt 2 mois, je t'aime. On a aussi Clara qui fait une dédie à Contact et aussi à mes frères Nico et Anthony. Ben voilà, n'hésitez surtout pas à balancer tous vos messages dès maintenant. Il y a aussi le hashtag sur Twitter, hein, si vous êtes des Twittomans, eh ben n'hésitez pas, vous balancez le hashtag dédie live et suivi de votre message. Alors, ça se passe comme ça. Côté son, il y a Maître Gims à suivre et puis Robin Thicke, Pharrell Williams dès maintenant, le remix Red Light. From the same page. Maybe I'm going deaf. Maybe I'm going blind. Maybe I'm out of my mind. Okay, now he was close. Tried to domesticate you, but you're an animal. Maybe it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. And that's why I'm gonna take your good girl. I know you want it. Tried to domestic creature, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your mate. And that's why I'm gonna take a good girl. I know you want it. I know you want it. C'était Maître Gims à l'instant, One Shot sans contact. Contact on the beach. Avec tous vos messages comme d'hab, et ben là vous êtes nombreux d'ailleurs à reprendre le boulot aujourd'hui. Bon courage à tous, si vous nous écoutez depuis le taf là, notamment depuis les magasins, bienvenue tout le monde, en tout cas bienvenue à tous les commerçants là qui sont branchés sur Contact. Alors du côté des petits messages, on a Anthony qui a passé un super week-end avec sa chérie, il lui dit je t'aime mon amour. On a aussi Ju qui fait dédié à sa chérie d'amour Jennifer, qui me comble de bonheur depuis maintenant plus de 14 ans. Et ben félicitations à vous ma chérie, je veux un quad, lol. Ben voilà, ça c'est le cadeau de Noël avec 4 mois d'avance. On a Jonathan aussi qui nous dit merci beaucoup Contact, vous êtes les meilleurs, et surtout Mika, moi c'est la reprise en ce moment, et bah bon courage à toi aussi. Et puis pour terminer, on a Céline, une petite dédie à mon chéri qui vient de reprendre les cours pour son dernier mois sur Paris, et bah je t'aime très très fort de la part donc de Céline. Et bah voilà, vos messages qui continuent dans un instant, 03 20 26 8000 712 avec le code direct par texto sur le Facebook officiel de Contact et avec le hashtag Dédie Live sur Twitter. Lana Del Rey dans un instant, Summertime Sunlex. Le remix de Cédric Gervais. Découverte Contact à suivre. Ça bouge à cet âge-là. Oh là là, oui, quelle santé, les petits, ça court dans tous les sens. Heureusement, ils sont bien assurés. Au moins, avec la Matmute, pas besoin de les attacher. Merci la Matmute, l'assurance scolaire, c'est sacré. Sacré gamin, quelle santé. Garantie selon conditions définies au contrat et réservée aux sociétaires Matmut. Chérie, une nouvelle fonctionnalité Excel est apparue cette nuit sur mon PC. Je sais, le nouvel Office met les logiciels à jour automatiquement. Hein ? Sur ta tablette aussi ? Bah bien sûr, avec Office 365, les dernières nouveautés sont disponibles sur tous nos appareils. Ah, alors je suis toujours à jour. Voilà, il était temps. Avec un seul abonnement, installez Office 365 Famille Premium sur 5 PC ou Mac pour seulement 99€ par an. C'est l'opération rentrée crazy avec Athéna. Boxer, slip, lingerie, c'est la folie des prix pour toute la famille dans vos hypermarchés. Jouez et grattez pour tenter de remporter des bons de réduction jusqu'à 15€. Plus d'informations sur athenasport.fr. Allez, t'as entendu ? On en apprend des trucs hein, dans les pubs de Contact. Contact ! Leclerc. Chérie, en ce moment, 30% de tickets Leclerc sur les cafés carte noire, sur tous les M&M, sur tous les Yop et sur toute la gamme des soins dentaires Elmex. Oui, et donc ? Eh bah, moi, je vais chez Leclerc. C'est parce que le ticket Leclerc vaut de l'argent que du 21 au 31 août, avec votre carte Leclerc, vous économisez de 25 à 30% en tickets Leclerc sur certaines gammes de produits de marque. Voir modalités dans les magasins participants. Non, parce que 30% de tickets Leclerc sur des produits de grande marque. Oui, bah, je sais, c'est beaucoup. Parfaitement. Oh, puis je me demande pourquoi je discute. Allez, j'y vais. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chaque bière Grimbergen est un moment intense. Grimbergen Rouge est une véritable composition à la fois vive et subtile. Avec sa couleur ardente et rougeoyante, le caractère de ses notes d'épices et la délicatesse de ses arômes de fruits rouges, Grimbergen Rouge révèle une bière flamboyante. Grimbergen Rouge, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Aujourd'hui, pour la rentrée des classes, Raymond Domenech se rend dans le magasin Sport 2000 de Daniel Bixel à Alkirch. Bonjour monsieur le sélectionneur, je voulais savoir, comment vous réagissez face aux gens qui vous crient « Remboursez, remboursez !» Ben je les encourage à continuer et je les rembourse. Ah hein ? Mais c'est pas possible ! Bien sûr que oui, jusqu'au 8 septembre, je leur rembourse les achats textiles juniors à 50% en deux bons d'achat. Ah c'est beau un sélectionneur qui fait l'unanimité ! Sport 2000, on marche citoyen ! Liste des magasins participants et conditions sur sport2000.fr. Contact. Contact. In the beginning, I never thought it would be you. When we were chilling, smiling in the photo booth. But we got closer. Just get drunk, disturb the peace. Bien évidemment, c'était chez nous, Lana Del Rey en remix, le remix de Cédric Gervais, le Frenchie, DJ Frenchie, qui vit maintenant du côté de Miami. On décolle dès maintenant avec Zao en mode remix aussi, tout est pareil. L'électro libre. This is Nightlife. Drinking shots and champagne, the girls get proud. Being VIP, the heat is up. Come on and freak with me. Cause when we enter the floor, DJ give us some more, some more. Turn up the bass now. We wanna dance till we drop. Tonight we do it all over and over again. This is nightlife. We dance under the moonlight and party till we feel high. Toy, and we'll be playing for fun, my little girl. I'm up for anything in the party world. Get your ass in the drink. Sur le Bobook officiel de contact. Alors on a Mister Iris Trouf qui fait une dédie à sa chérie Sadia, 15 ans de mariage, et mes deux ch'tios qui sont à fond sur contact, Sarah, Ivan, et puis on a aussi un petit message de Céline qui fait une dédie à son chéri qui vient de reprendre les cours. On a Simon dédié aux agriculteurs qui chôment pas en ce moment justement, hein. Bon courage à vous tous, en tout cas le message est passé. La suite dans un instant, 03 20 26 8000 7 11 12 avec le code direct aussi par texto, le Facebook officiel de contact. Vous balancez tous vos messages aussi sur le Twitter avec le hashtag Daddy Live. La suite du son avec Capital Cities, découverte contact Safe and Sound qui arrive. Il y a Bob Sinclair aussi avec le Rock This Party en souvenir, Motonheads. Et dès maintenant, c'est les frangins néerlandais Shootek, découverte contact également. Vous l'avez connu avec Cannonball, Slowdown. Et ben le voici justement, Slowdown. On est parti. Belle après-midi avec nous sur contact. your motherfucking hands up. En 2006, nous sur Contact. Contact. On t'a joué ça. Clear, it's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce on. Yeah. Everybody dance now.

Contact. Content. L'électro libre. Première radio française à vous avoir fait découvrir ce titre, c'était nous, hein, c'était Contact, Capital Cities à l'instant, Safe and Sound. Contact. Alerte radar. Et oui, alors attention, celui-là, il se trouve sur l'A26 dans le 151 direction Reims. C'est au kilomètre 173. Le radar est au-dessus d'un pont, ça vous flash à 130 km/h. Merci beaucoup à Jérôme de nous avoir prévenu. Et bien sûr, on garde les limitations de vitesse. On fait gaffe à tout ça, c'est vachement important. Le seul moyen de pas vous faire flasher. Le nouveau morning, un rencard dès demain, 6h, 9h, le Morning Land avec Jeff et Clément. Et donc on va vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé ce matin, justement. Et puis du côté du son, ce sera Doxos avec It's You. Doxos qui arrive dans un instant. Écoutez ce qui s'est passé ce matin dans le Morning News. Previously on Morning Land Contact. Verso. Ah, ils sont très jaloux, les Verso. Mais qu'est-ce qu'on se fait, Mme Taché? Qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, Mme Taché, comment faire ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas? Ah, il y a le chien Getchou aussi qui s'est fait. Non. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Mme Taché? C'est une perte de contrôle total, là. Un fantôme a essayé de prendre mon esprit. Ah bah oui, ça va mieux. Non, ça va mieux. Vous voulez arrêter là? Je l'ai expulsé. 6h, 9h, Clément et Jeff. Morning Land. Contact. Réussir à expliquer une défaite inexplicable. Calculer de tête un coefficient UEFA. Prévoir la glorieuse incertitude du sport. Comprendre enfin à quoi sert le quatrième arbitre. Toutes les réponses sont dans le nouveau journal L'Équipe. Nouvelle rubrique, nouveau dossier, nouvelle approche. L'Équipe, partageons le sport. Ma carte U, bien mieux pour moi, elle profite à tous. La carte U, elle est vraiment géniale. Tenez, savez-vous que vous pouvez payer vos courses grâce à elle? Tout simplement, en cumulant vos points carte U. À chaque passage en caisse, c'est des économies qui se préparent. Et la carte U est gratuite et immédiate. Alors là, si c'est pas mieux pour vous, alors là, moi, j'abandonne. Parce que franchement... Dans la limite des points disponibles, hors points acquis le jour même. Conditions dans les magasins U participants ou sur carteu.com. Les nouveaux commerçants. Ah, dis donc, t'as entendu ? On en apprend des trucs hein, dans les pubs de Contact. Contact Téléphone Store. Bernard, bonjour, vous avez 69 ans et habitez Questembert. Parlez-nous de Téléphone Store. Je suis ravi parce que mon petit-fils m'a emmené chez Téléphone Store parce que moi, mon souci, c'est que je ne connais rien du tout à la technologie et là, je peux téléphoner sans problème. Quentin Perrineau, vous êtes gérant du magasin Téléphone Store de Questembert. Mon client a tout à fait raison. C'est à la technologie de s'adapter à lui et non le contraire. En venant chez Téléphone Store, je pense qu'il a eu ce dont il avait besoin, tout simplement. Un forfait Coriolis Télécom avec des SMS et je lui ai même appris à envoyer des SMS en fait. C'est vrai, et maintenant je suis en contact avec mon petit-fils grâce aux SMS. Et oui, on est comme ça chez Téléphone Store, plus proche de vous encore. Téléphone Store. Voir conditions en magasin ou sur téléphonestore.com. Garçon, une bière s'il vous plaît. Je vais vous faire goûter une Kronenbourg Pure Malt sans alcool. Prenons un verre, de la mousse, du goût, frais. Et l'information essentielle. Aurons une Kronenbourg Pure Malt, la bière sans alcool. Kronenbourg Pure Malt, sans alcool, tout simplement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. La foire au vin. C'est à partir du 11 septembre, mais profitez-en dès maintenant en avant-première grâce à un service de réservation exceptionnel. Commandez vos vins sur carrefour.fr parmi une sélection issue de notre foire au vin et récupérez-les au drive de votre hypermarché. Ah, cette foire au vin 50 ans Carrefour, c'est vraiment... un millésime exceptionnel. Carrefour, 50 ans de prix. Hypermarché participant sur carrefour.fr. Offre valable jusqu'au 10 septembre. Retrait des commandes entre le 11 et le 14 septembre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'était It's You sur Contact. Contact, l'électro libre. L'électro libre. Avec Mika. En mode Daily Live jusqu'à 16h, n'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant, 03 20 26 8000, on fait de la radio ensemble, vous balancez vos messages pour vos potes, votre famille, vos collègues de boulot, ça marche aussi sur le Facebook officiel de Contact, hein, facebook.com/contact.radio, le Twitter avec le hashtag Daily Live ou encore par texto 71212 avec le code direct, et puis tous vos messages. On a pas tous mes potes de Cavalaire qui me manquent énormément, voilà, gros bisous à vous, et puis on a aussi un message de Amandine, une Didi à ma famille, vivement que je revois tous mes amis au lycée, bis Contact, merci pour la bonne vie, continuez comme ça, et ben ça fait super plaisir. Allez, juste avant 14h, Lucienzo et Kenza Farah avec Obsession, et puis dès maintenant c'est une découverte de la maison, Van Kelmout et Maloise, My Head is a Jungle. Make up for our love. I've been thinking.